C'est Rail Suprême le dimanche soir sur Skyrock avec DJ Case. Comment va Case? Très bien. En pleine forme? Toujours. Tout va bien? Très bien. On vient de passer la Saint-Valentin. Ouais, bah oui. Je dis pas ça pour nous deux, hein, mais tous ceux qui étaient amoureux. Donc la fête va continuer ce soir. Elle va continuer ce soir et elle va s'enchaîner juste après à Bruxelles. À Bruxelles, juste après. Et un invité ce soir, tu nous le disais la semaine dernière dans Rail Suprême. Voilà, on vous l'avait promis. Donc la révélation Rail, c'est Ayman Serrani. Il est parmi nous ce soir et c'est avec un grand plaisir qu'on l'accueille. Ça va bien. Bonsoir Fred. En forme? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, bienvenue dans ce Rail Suprême. Alors est-ce qu'on peut commencer par un petit CV Express, ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu comptes faire dans les semaines, dans les mois qui viennent? Alors, moi j'ai commencé avec ma première chanson l'année dernière qui s'intitule Il est Hadi. Ensuite, j'ai enchaîné avec le projet de DJ Case, Paris, Oran, New York 2014. Bon projet, non? Super, super, il a cartonné. Il est au top, DJ Case. Et là, justement, j'ai sorti deux remixes. Mmh. Donc un remix Bollywood, donc du titre Juganiji qui a cartonné. Tu sais, c'est un titre qu'on met souvent en playlist. Ouais, qui est une grosse tuerie d'ailleurs, ce morceau. Grosse tuerie. En arabe, donc le titre c'est Hebbelti Ninti, donc tu m'as rendu fou. Et un deuxième remix albanais qui s'intitule Tekalali Shpirt. Et c'est un truc aussi qui a cartonné et que j'ai repris en arabe, en turc, en kurde, pardon, et en albanais également. Comme tu sais, les musiques souvent balkans, c'est assez orientalisé, tu sais, bah, Roumanie, Albanie. Mais même d'ailleurs, c'est marrant parce que tu parles de Bollywood, c'est vrai qu'il y a quand même une liaison aussi avec ce côté Maghreb, Inde. Au niveau des sonorités, il y a quelque chose de particulier, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai terminé ces projets-là. Là, je vais enchaîner avec les projets avec DJ Case. Mmh. Donc pour l'album Paris Oran New York 2015. Donc tu seras dessus aussi, bien sûr. À pas louper. C'est quand la sortie, Case? Ça va être avant l'été cette fois-ci. Avant l'été? On n'a pas encore la date, mais ça sera, je pense, au mois de mai ou début juin ou mai. Je sais pas encore, mais ça sera avant l'été. Bon, et le mieux aussi pour découvrir. On sera prêt cette année. Parfait. Pour découvrir Ayman, je pense que c'est de balancer du son. Et c'est on attaque tout de suite. Oui. Avec quoi les? Avec des titres d'Ayman et pareil, tout ça ambiancé, mixé, scratché par DJ Case. Allez, coup d'envoi de Rail Suprême maintenant. Quand tu vis de ta passion, t'imposes tes conditions. Félicitations, certes, mazal tov. Quand t'es au top, top, t'as ton banquier dans la poche. Ce soir, on sort, mais t'as plus bérant. Ta parure diamant, je serai soigné comme un mannequin chez Christian Dior. Changement de décor, fais rêver ta princesse. La vie, elle est dure, non, les sort jusqu'à ta dernière pièce. Et criminel, et un panouliné à terre. Criminel, côté la vanille. Criminel, arrêtez le long. Voir ses enfants grandir, tout réussir. C'est criminel. Approche, viens, même si t'es moche. Tu montes pas avec nous là-haut, tu vas rater quelque chose. Attention dans le club, bloquer les sorties. Du monde dans la partie, le fusion dans les orties. T'as trouvé ton officiel, il est tombé du ciel. Ton père approuve la plaie. C'est criminel, ambiance joviale. Bon enfant familial, les retrouvailles. C'est criminel, une enfance similaire à celle de Jamal. Slum Dog millionnaire. Je suis venu en charter pour partir en jet privé. C'est criminel. Malgré nos lacunes, tout ça ne te le dira. Le temps fait pas de chrome, Indila te confirmera. Le temps fait pas de chrome.

210 sur les plaques. On a des passes droits, rentre à ma traque. Sur Skyrock. Comme le Black Pearl, à la recherche du real love. Tu veux te marier, pas de mari, pas de love. Elle fait son entrée dans la chicha, elle excite tous mes louftos. Un conseil devant mes losa, faudra pas que tu louves trop. Fraîche, je te l'ai dit, 18 ans tu fais la lady. Arrivé à 30 piges, tu sais que sans tes manières tu peux être ma baby. Mais t'en fais qu'à ta tête, tu marches comme une loulée. On ne se coupe pas un arbre, tu n'as pas de fruit. Si t'étais inintéressant, t'es bon, on t'aurait fui. Si les rappeurs t'attaquent, c'est que ta réputation est cuite. Personne n'est parfaite, même Kimi, oui, c'est ma kill. Son sourire est flash de Bali. Arabian girl, c'est qu'elle est jolie. Danse toute la nuit, danse toute la nuit. Arabian girl est à sa folie. Elle joue pas dans notre cour. C'est ton corps de la basse-cour. On lui tourne autour. Arabian girl, porte un fric à yeah. Californie. On fumait 350 Benji sur les bords de la corniche. Habchini, Merli, j'ai rien à perdre. Rien qu'à le malade mental. Plus connu que le Hedge, m'en bats. Je voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme Chef Hesney, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre. Free Boston ou lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, j'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibeni, je vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion. Yahman, let's go et danse. Ça fait plaisir. Et un babou. Supreme Skyrock. Soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Toi, tu réponds pas, tu fais trop la restart. C'est vrai que t'attires la foule, mais fais pas trop la folle. T'es vraiment déréglé, je dois te paramétrer. Tu veux me rendre jaloux, mais fais pas trop la folle. छेड़छाड़ हो रही है आपका हास है आपका जवाब नहीं छेड़ रही वो छेड़छाड़ हो रही है आपका हास है आपका जवाब नहीं paramétrer, tu veux rendre jaloux, mais fais pas trop la folle. हो रही है आपका हास है आपका जवाब नहीं हो रही वो छेड़छाड़ हो रही है आपका हास है आपका जवाब नहीं déréglé. Je dois te paramétrer. Tu veux me rendre jaloux, mais fais pas trop la folle. Suprême, DJ Kaze est là avec nous, mais pas tout seul ce soir, Kaze. Oui, on a pu découvrir des titres de Ayman, justement, qui est parmi nous. Ce garçon s'appelle Ayman Serrani. Voilà. C'est bien ça, donc Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Ayman Serrani, Twitter Ayman Serrani, Instagram. Tu peux donner l'orthographe quand même. Voilà, donc A-Y-M-A-N-E espace S-E-R-H-A-N-I. Ayman Serrani. Bon, toi t'es tout jeune, ça a commencé quand pour toi? Ah, pendant que Case reçoit un coup de fil certainement de, d'un club qui veut le recevoir, ouais, immédiatement. Des Indiens qui m'appellent. Ou peut-être même d'ailleurs direction Bollywood. Non, toi le chant il est arrivé, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a poussé à chanter justement? Alors c'était sur Facebook, j'avais commencé à faire quelques vidéos comme ça a cappella et donc les à la maison. Voilà, les gens m'encourageaient et c'est de là que j'ai sorti ma première chanson Lila Hadid qui a bien marché. Toi tu l'as rencontré quand, Case? Voilà, à travers internet. Donc ce qui est formidable aujourd'hui avec internet, c'est qu'on peut poster des vidéos comme on peut le constater sur Facebook ou sur, voilà. Donc j'encourage tous les jeunes artistes à poster leurs vidéos et à faire découvrir justement leur talent, et c'est ce qui s'est passé avec Ayman Serrani. Et c'est moi qui l'ai contacté, comme bon, je suis un kiffeur de Rai Suprême, et je lui ai dit bon bah ça serait bien que ce titre on le passe à la radio, et puis ça s'est fait comme ça, et je pense qu'on va entendre parler de lui d'ici peu de temps. Et ben on croise les doigts, on sait maintenant où te suivre aussi. Voilà, donc sur Facebook Ayman Serrani, A-Y-M-A-N-E espace S-E-R-H-A-N-E. Et ben on va repartir, voilà, avec du son peut-être aussi. Ah oui, on va décoller, et d'ailleurs aussi j'en profite pour justement donner mes dates. Alors... J'allais te proposer, ouais, puisqu'on te retrouve aussi en tournée un peu partout, Case. Exactement, alors le samedi 21 février je suis au Biblos au Luxembourg, ça c'est le samedi 21, le vendredi 27 au Select à Paris, donc là on est à Paris ce week-end-là, et le samedi 28 février je serai au Bimkim à Paris, et juste derrière dans le 77 à la Maison Rouge. Ah, voilà, carrément, ah, oui. Une doublette le 28 février. Ça arrive les triplettes, mais ça fait longtemps, mais on va en faire. Ça va revenir. Bon ben on bouge pas, on est reparti pour une nouvelle session de Rai Suprême. Voilà, restez branchés, on va continuer avec encore faire découvrir des titres de Ayman, et on va faire péter tout ça. Allez, c'est parti. Dimanche soir, minuit 1h, c'est Rai Suprême. Oui, c'est parti. Sur Skyrock. Rai Suprême. C'est la nuit qu'il faut que je m'évade. Y'a quelque chose de mauvais qui contrôle mon esprit. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais jaune. Minuit une heure, c'est Rai Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Comme du piment tunisien. soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Quartier chic, oseille, à ta classe, c'est la ville. Haouss bik fi Dubaï, c'est sûr, allez, ben aïe. Quartier chic, oseille, à ta classe, c'est la ville. Oh oh oh, eh eh eh, allez. Oh oh oh, eh eh eh, danser. Oh oh oh, eh eh eh, allez. Oh oh oh, eh eh eh, danser. Lila ou j'ai de Lila, Lili Hedi. Sous-titrage Société Radio-Canada.

mixé par DJ K sur Skyrock. On frappe pas les dieux rares, les putains sont sternés, c'est que des meurs qui font bras. Y'a pas le drap, pas le temps de délirer ou t'admirer. Je m'énerve pas, après je m'en irai. Vivant, on y pète, faut en garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défend à l'histoire. On s'implique tard, et c'est qui en transe. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglots, rentrent en France. On les tient là-bas, et se confient à Dallas Lee. Tu sais que le chef des chefs, il s'appelle Husley. Se mixe tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock. On veut galérer, MBDH, tapez-le. La loi emmerdée là, lui il se montre, regardez-le. Envie d'y mettre des tartes là. J'suis au bled, j'observe la lune de mon matelas. Un ensemble

الفراشة ملك بقى في الفراشة احدى سيني تسيا ويا نادر سيفيا احدى حسيني تسيا ويا نادر سيفيا اه يا هيا اوتسي بوا sur Skyrock. De toute façon, dès que la famille aime, t'entends, ne voyez pas. La vie parfois, elle chie pas, chie pas. La vie aime, c'est vrai. Car chez nous, c'est où tu l'es, où tu l'es plus bas. Ils nous jugent mal parce qu'ils sont ivres. Après moi, non, ils savent ce qu'ils font. Ils veulent ça avec. T'as pas l'impression d'avoir déjà vécu ce qu'on est en train de vivre. Ouais, c'est comme quand les femmes font les mêmes trucs que nos ex. Il est dur d'avoir l'esprit sain. L'ambiance est malsaine. C'est le même délire partout. Et la même ambiance à Marseille. Certains sont gays, et d'autres sont aigris. Laissons faire nos instincts vu que nos destins sont écrits. والناس عليك ديما تسالو يوم عليك ديما تسالو يوم حتى يطلع نهار ويوم suprême en direct sur Skyrock. GKIZ, et c'est déjà la fin de cette émission. C'est déjà la fin. J'espère que vous avez kiffé. On a kiffé. Merci à Ayman d'avoir été avec nous, en tout cas. Merci à toi, Fred, et merci à DJKIZ. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2015, alors, Ayman? Que ça continue, surtout? Que ça continue, et voilà, que les gens continuent de me suivre et de croire en moi. Et... Bon, on l'a dit, tu seras présent sur Paris ou en New York. C'est bien ça. Sinon, est-ce qu'on peut te retrouver, ou est-ce qu'il y a des morceaux qui vont arriver? Un album, oui, peut-être? Alors, il y a un album qui va arriver sans doute en fin d'année, donc à la rentrée. Et sinon, là, je continue mes projets, je continue de sortir d'autres sons là avant l'été, histoire d'ambiancer un peu tout le monde. Eh bah, très bien. Donc, allez cliquer, rappelle-nous aussi les endroits où on peut te suivre, Ayman. Sur Facebook, Ayman Serrani, AYMANE, espace SERHANI, ainsi que sur Twitter et Instagram. Voilà, la prochaine fois, vous entendrez, putain, mais je le connais, j'ai entendu la première fois dans Rail Suprême. Exactement. Il est très productif, il nous fait des remixes, des musiques, il crée, il compose, il écrit. Il a vraiment, moi, je dis bravo à cet artiste. Eh bah, bravo. Merci, merci d'avoir été avec nous. Case, on te retrouve la semaine prochaine, d'ici là en soirée. Exactement. Alors, samedi prochain, je serai au Biblos au Luxembourg. Ah, donc bah, voilà, la semaine dernière, j'y étais. Il y a vraiment un public formidable, d'ailleurs, qui nous écoute. Et tu y retournes. Et j'y retourne, voilà. Là, c'est par contre, c'est à Luxembourg même, donc au Biblos. Gros big up aux Luxembourgeois et à la communauté portugaise qui nous écoute énormément. Obrigado, la famille. 50% de Portugais au Luxembourg. Eh bah, terrible. Et puis, il y a aussi pas mal de gens du côté de Metz, Nancy, qui débarquent. Du coin là-bas, voilà. Du coin, donc voilà. Bah, une grosse dédicace à vous tous. Et merci à toi, Case. Merci, Ayman, une nouvelle fois. Merci. Le son, ça continue sur Skyrock Rap, R&B en non-stop. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao.